Bonjour et bienvenue à cette émission qui vous parlera des littératures de l'imaginaire. Christian Martin au microphone. On entend habituellement par littérature de l'imaginaire la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Ménoli. Ménoli est une petite fille que j'aime beaucoup. Je l'ai rencontrée dans un village de pêcheurs sur une planète lointaine. Dans son village, elle était le bras droit du harpiste vieillissant. Quand celui-ci mourut, Ménoli eut beaucoup, beaucoup de chagrin. Il était son mentor, il la comprenait, l'encourageait dans son amour de la musique. Mais le harpiste mourut et tout changea. En attendant son remplaçant, craignant des remontrances si les petits ne savaient pas parfaitement leurs leçons, les dirigeants du village côtier décidèrent de confier à Ménoli la tâche d'enseigner. La fillette s'en acquitta avec brio. Le nouveau harpiste arriva et on s'empressa d'éloigner Ménoli. Il était très mal vu dans ce village de jouer de la musique, voire défendu, surtout pour une fille. Mais Ménoli aimait tellement la musique qu'elle ne pouvait s'empêcher de surlutter. On la gronda. On la punit sévèrement, très sévèrement. Et on lui défendit de jouer de la flûte et de composer. Alors qu'elle était de corvée de nettoyage de poissons, la jeune fille se blessa gravement à la main. Pour elle, ce fut la catastrophe. Elle ne pourrait plus jamais jouer d'un instrument de musique. Son monde, ses espoirs, s'écroulaient à jamais. Ménoli fuga. De nuit, elle quitta le village et se réfugia dans une caverne qui donnait sur la mer. Elle y fit sa demeure. Pendant quelque temps, Ménoli vécut seule. Mais elle n'était jamais vraiment seule, car, une fois installée, elle s'était hâtée de se fabriquer une flûte qu'elle jouait quand elle le désirait. Plus d'interdictions, plus de réprimandes, plus de punitions. D'accord, sa main blessée et mal soignée l'handicapait un peu et s'avérait douloureuse après une longue séance musicale. Mais pour Ménoli, c'était là payer bien peu cher le plaisir de jouer. Un jour, elle découvrit un nid de fire lizards que la Marie menaçait. Le cœur sur la main, elle s'efforça de secourir la maman fire lizard en l'aidant à déplacer les œufs. Il en résulta qu'elle se retrouva avec 6 bébés fire lizards qui l'adoptèrent. 6 bébés fire lizards, gloutons, toujours affamés, à sa charge. Pas une mince tâche. Mais Ménoli s'en acquitta comme elle s'était acquittée d'enseigner aux petits. Puis vint le jour où, en vadrouille avec ses fire lizards, en quête de nourriture, elle se fit surprendre par les fils, ces organismes qui dévoraient tout tissu vivant. Prise de panique, Ménoli prit ses jambes à son cou. Elle courut jusqu'à brûler la plante de ses pieds, jusqu'à ce qu'elle fût miraculeusement sauvée par un Dragon Rider qui était sur place pour combattre les fils avec le feu de son dragon. C'est cette scène qui m'a inspiré la musique suivante. Vous entendrez Ménoli qui se promène avec ses Fire Lizards, puis la chute des fils, la fuite de Ménoli et son sauvetage. Ménélie fut conduite dans un weir, cet endroit où vivent dragons et dragon riders, et l'on s'empressa de soigner ses pieds. Puis, à sa très grande surprise, elle fut conduite au Harper Hall. Ménélie deviendrait une harpiste. Le Master Harper, Master Robinson, l'avait dit. Si vous voulez vous aussi rencontrer ma chère Ménélie, vous retrouverez son histoire dans les deux ouvrages que lui a consacrés Han McCaffrey, Dragon Song et Dragon Singer. Deux ouvrages disponibles en français sous les titres Le Chant du Dragon et La Chanteuse Dragon de Pearl. Ainsi se termine notre émission. Merci de votre attention. À bientôt.